Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Claire Nadeau lit Le Paon, extrait des contes rouges du Chat Perché de Marcel Aimé. Claire Nadeau, vous allez nous lire un des contes du Chat Perché de Marcel Aimé qui s'appelle Le Paon. Oui. Quelle impression ça vous a fait de relire ces histoires des années après ? Très longtemps après, oui. Mais moi, j'étais un peu curieuse, j'ai une mémoire épouvantable. Et il me restait des histoires du conte du Chat Perché qui sont vraiment variées et intéressantes et pleines de rebondissements en général, que le nom des deux héroïnes, Delphine et Marinette. Mais ça, par contre, c'était bien gravé. Et c'est la seule chose, le seul lien qui me restait. Vous étiez une grande lectrice quand vous étiez petite fille ? Ben apparemment, enfin oui, mais apparemment, il n'est pas resté grand-chose, quoi. Mais ça, depuis toujours, hein, même plus tard, j'ai lu beaucoup. Et ben, je me souviens à peu près des titres, hein, c'est à peu près tout. Le Paon. Un jour, Delphine et Marinette dirent à leurs parents qu'elles ne voulaient plus mettre de sabots. Voilà ce qui s'était passé. Leur grande cousine Flora, qui avait presque 14 ans et qui habitait le chef-lieu, venait de faire un séjour d'une semaine à la ferme. Comme elle avait été reçue un mois plus tôt à son certificat d'études, son père et sa mère lui avaient acheté un bracelet montre, une bague en argent et une paire de souliers à talons hauts. Enfin, elle n'avait pas moins de 3 robes, rien que pour le dimanche. La première était rose avec ceinture dorée, la deuxième verte avec un bouillon de crêpe sur l'épaule et la troisième en organdi. Flora ne sortait jamais sans mettre de gants. Elle regardait l'heure avec des ronds de bras et parlait beaucoup de toilettes, de chapeaux, de fer à friser. Un jour donc, après le départ de Flora, les petites se poussèrent du coude pour s'encourager. Et Delphine dit aux parents « Les sabots, c'est pas si commode qu'on croit. On se fait surtout mal aux pieds. Et ce qui arrive aussi, c'est que l'eau entre par-dessus. Tandis qu'avec des souliers, il y a moins de risques, surtout si le talon est un peu haut. Et les souliers... c'est tout de même plus joli. Et c'est comme les robes, dit Marinette. Au lieu de rester toute la semaine en tablier avec une robe de rien en dessous, il vaudrait mieux sortir de l'armoire un peu plus souvent nos robes du dimanche. Et c'est comme les cheveux, dit Delphine. Au lieu d'avoir les cheveux sur les épaules, ce serait bien plus commode de les relever. Et plus joli aussi. Les parents respirèrent un grand coup et après avoir un moment regardé leur fille en fronçant les sourcils, répondirent avec une voix terrible « Voilà des façons de parler qui ne nous plaisent pas. Ne plus mettre vos sabots, sortir de l'armoire vos robes du dimanche. Est-ce que vous avez perdu la tête? Vous pensez, oui, vous pensez, comme on va vous donner vos souliers et vos bonnes robes pour tous les jours. Ce serait bientôt dévoré, il ne vous resterait plus rien de propre pour quand vous iriez voir l'oncle Alfred. Mais le plus fort, c'est les cheveux relevés, des gamines de votre âge. Ah, si jamais vous parlez encore de cheveux relevés... Les petites n'osèrent plus parler aux parents de cheveux, de robes ni de souliers. Mais quand elles étaient seules, en allant à l'école ou au retour ou sur les prés à garder les vaches ou au bois à cueillir les fraises, elles mettaient des pierres dans leurs sabots pour avoir le talon plus haut. Elles mettaient leurs robes à l'envers pour se donner ainsi l'illusion d'en changer. Elles nouaient leurs cheveux sur la tête avec une ficelle. Et à chaque instant, elles se demandaient « Est-ce que j'ai la taille assez mince? Est-ce que je fais d'assez petits pas? Et mon nez? Tu trouves pas que ces jours-ci, il est un peu long ?» Et ma bouche, et mes dents. Est-ce que tu crois que le rose m'irait mieux que le bleu ? Et dans leur chambre, elles n'avaient jamais fini de se regarder dans la glace, ne rêvant plus que d'être belles et d'avoir de beaux habits. Même, il y avait à la ferme un lapin blanc qu'elles aimaient beaucoup, et il leur arrivait de rougir en pensant que le jour où on le mangerait, sa peau ferait une bien jolie fourrure. Cet après-midi, devant la ferme, assise à l'ombre d'une haie, Delphine et Marinette ourlaient des torchons. À côté d'elle, et les regardant travailler, il y avait une grosse oie blanche. C'était une bête tranquille qui aimait la conversation et les plaisirs raisonnables. Elle se faisait expliquer à quoi sert d'ourler les torchons et comment s'y prendre. « Oh, il me semble que j'aimerais bien coudre, » disait-elle aux petites. « Ourler des torchons, surtout. Oh, »« Merci, » répondait Marinette. « Moi, j'aimerais mieux coudre dans des robes. Oh là là, si j'avais du tissu, par exemple 3 mètres de soie lilas. » « Je me ferai une robe décolletée en rond avec un froncé de chaque côté. »« Moi, » disait Delphine, « je vois une robe rouge décolletée en pointe avec 3 rangs de boutons blancs jusqu'à la ceinture. » Tandis qu'elle parlait ainsi, l'oie secouait la tête en murmurant « Tout ce que vous voudrez, mais moi, j'aimerais mieux ourler des torchons. » Dans la cour, il y avait un cochon bien gras qui se promenait à petits pas. En sortant de la maison pour aller au champ, les parents s'arrêtèrent devant lui et dirent « Il devient gras, il est de plus en plus beau, ma foi !»« Vous trouvez ?» dit le cochon. « Je suis bien content de vous entendre dire que je suis beau, c'est ce que je pensais aussi !» Un peu gênés, les parents s'éloignèrent. En passant auprès des petites, ils leur firent compliment de leur application. Penchés sur leur torchon, Delphine et Marinette tiraient l'aiguille sans échanger une parole, comme si rien n'eût compté pour elles que de faire des ourlets. Mais à peine les parents eurent-ils tourné le dos qu'elles se remirent à parler robe, chapeau, souliers vernis, ondulations, montre en or, et l'aiguille courait moins vite dans la toile. Elles jouaient aux dames en visite, et Marinette, en pinçant la bouche, demandait à Delphine « Chère madame, où donc avez-vous fait faire ce joli tailleur ?» Loie ne comprenait pas bien. Un peu étourdie par ses bavardages, elle commençait à sommeiller quand arriva du fond de la cour un coq désœuvré qui se planta devant elle et dit en la regardant d'un air apitoyé « Je ne voudrais pas te faire de la peine, mais tu as quand même un drôle de coup. »« Un drôle de coup ?» fit Loie. « Pourquoi un drôle de coup ?»« Cette question, mais parce qu'il est trop long. Regarde le mien. » Loie considéra un moment le coq et répondit en hochant la tête « « Eh bien, oui, je vois que tu as le cou beaucoup trop court. Je dirais même que c'est loin d'être joli. »« Trop court !» s'écria le coq. « Voilà que maintenant, c'est moi qui ai le cou trop court. En tout cas, il est plus beau que le tien. »« Je ne trouve pas, » dit Loie. « Du reste, ce n'est pas la peine de discuter. Tu as le cou trop court et un point, c'est tout. » Si les petites n'avaient pas été aussi occupées de robes et de coiffures, elles se seraient avisées que le coq était très vexé et auraient essayé d'arranger les choses. Il se mit à ricaner et dit avec un air insolent « Mais tu as raison, c'est pas la peine de discuter. Mais sans parler du cou, je suis mieux que toi. J'ai des plumes bleues, des plumes noires et même des jaunes. Surtout, j'ai un très beau panache, tandis que toi, je trouve que tu finis drôlement. » « J'ai beau te regarder, » riposta Loie, « je vois un petit tas de plumes ébouriffées qui ne sont guère plaisantes. C'est comme cette crête rouge que tu as sur la tête. Tu n'imagines pas, pour quelqu'un d'un peu délicat, combien c'est écœurant. » Alors le coq devint furieux. Il fit un saut qu'il porta tout contre Loie et cria de toute sa voix « Vieil imbécile, je suis plus beau que toi, tu entends, plus beau que toi !»« C'est pas vrai, espèce de brimborion, c'est moi la plus belle !» Au tapage, les petites avaient laissé leur conversation sur les robes et se préparaient à intervenir, mais le cochon, qui avait entendu les cris, traversa la cour au galop et s'arrêtant auprès du coq et de Loie, leur dit tout essoufflé « Qu'est-ce qui vous prend? Est-ce que vous avez perdu la tête tous les deux? Voyons, mais le plus beau, c'est moi !» Les petites, et même le coq et Loie, éclatèrent de rire. « Je ne vois pas ce qui vous fait rire, » dit le cochon. « En tout cas, pour ce qui est de savoir lequel est le plus beau, vous voilà d'accord. » « C'est une plaisanterie, » dit Loie. « Mon pauvre cochon, » fit le coq, « si tu pouvais voir combien tu es laid. » Le cochon regarda le coq et Loie avec un air peiné et soupira. « Je comprends, oui, je comprends, vous êtes jaloux tous les deux, et pourtant, est-ce qu'on n'a jamais rien vu de plus beau que moi? Tenez, les parents me le disaient encore tout à l'heure. » « Allons, soyez sincères, dites-le que je suis le plus beau. » Pendant la dispute, un paon apparut au coin de la haie et chacun fit silence. Son corps était bleu, son aile mordorée et sa longue traîne verte était parsemée de taches bleues cernées par un anneau de rouille. Il portait une huppe sur la tête et marchait d'un pas fier. Il eut un rire élégant et se tournant de côté pour se faire admirer, dit en s'adressant aux deux petites « « Depuis le coin de la haie, j'ai assisté à leur querelle et je ne vous cacherai pas que je me suis follement amusée. Oh oui, follement !» Ici, le paon s'interrompit pour rire discrètement et reprit. « Oui, grave question de savoir quel est le plus beau de ces trois personnages. Voilà un cochon qui n'est pas mal, avec sa peau rose étendue. J'aime bien le coq aussi, avec cette espèce de moignon qu'il a sur la tête et ses plumes qu'il habille comme un hérisson. Et quelle grâce aisée dans le maintien de notre bonne oie et quelle dignité dans le port de la tête. Ah, laissez-moi rire encore. Mais soyons sérieux. Dites-moi, jeune fille, ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux, quand on est si loin de la perfection, ne pas trop parler de sa beauté? Les petites rougirent pour le cochon, pour le coq et pour l'oie, et un peu pour elles aussi. Mais flattées de ce qu'il les eût appelées jeunes filles, elles n'osèrent pas reprocher au paon son impolitesse. « D'un autre côté, » poursuivit le visiteur, « je sais bien qu'on est un peu excusable quand on ne sait pas ce qu'est la vraie beauté. » Le paon tourna lentement sur lui-même en prenant des pauses pour que chacun pût le voir tout à son aise. Le cochon et le coq, muets d'admiration, le regardaient avec des yeux ronds. Mais Loie ne paraissait pas trop surprise. Elle fit observer tranquillement. « C'est entendu, vous n'êtes pas mal, mais on en a déjà bien vu autant. Moi qui vous parle, j'ai connu un canard qui avait un plumage aussi beau que le vôtre, et il ne faisait pas ses embarras. Vous me direz qu'il n'avait pas comme vous une longue traîne à balayer la poussière, ni cette huppe sur la tête, si vous voulez. Mais je peux vous assurer qu'elle ne lui manquait pas non plus. Il vivait très bien sans ça. Du reste, vous ne me ferez pas croire que tous ces ornements sont bien convenables. » « Me voyez-vous, moi, avec un pinceau sur la tête et un mètre de plume par derrière ? Mais non, c'est pas sérieux !» Pendant qu'elle parlait ainsi, le paon étouffait à peine un bâillement d'ennui, et quand elle eut fini, il ne prit pas la peine de répondre. Déjà, le coq reprenait de l'aplomb et ne craignait pas de comparer son plumage au sien. Il se tut d'un coup, et le souffle même lui manqua une minute. Le paon venait de déployer les longues plumes de sa traîne qui s'arrondissaient autour de lui comme un large éventail. Loie elle-même en fut éblouie et ne put retenir un cri d'admiration. Émerveillé, le cochon fit un pas en avant pour voir les plumes de plus près, mais le paon fit un saut en arrière. « S'il vous plaît, dit-il, ne m'approchez pas, je suis une bête de luxe. Je n'ai pas l'habitude de me frotter à n'importe qui. » « Oh, je vous demande pardon, balbutia le cochon. Mais non, c'est moi qui m'excuse de vous dire les choses aussi simplement. Voyez-vous, quand on veut être beau comme je suis, il faut en prendre la peine. C'est presque aussi difficile de le rester que de le devenir. « Comment ? » s'étonna le cochon. « Est-ce que vous n'avez pas toujours été beau ? » « Oh non, quand je suis venu au monde, je n'avais qu'un maigre duvet sur la peau et rien ne permettait d'espérer qu'il en serait un jour autrement. » Ce n'est que peu à peu que je me suis transformée jusqu'au point d'être où vous me voyez à présent. Et il m'a fallu des soins. Je ne pouvais rien faire sans que ma mère me reprenne aussitôt. Ne mange pas des vers de terre, ça empêche la huppe de pousser. Ne saute pas à cloche-pied, tu auras la traîne de travers. Ne mange pas trop. Ne bois pas pendant les repas. Ne marche pas dans les flaques. C'était sans fin. Et je n'avais pas le droit de fréquenter les poulets ni les autres espèces du château. Car vous savez que j'habite ce château qu'on aperçoit là-bas. Oh, ce n'était pas souvent bien gai. En dehors des promenades que je faisais en compagnie de la châtelaine pour faire pendant à son lévrier, j'étais toujours seule. Et encore, si j'avais l'air de m'amuser ou de penser à quelque chose de drôle, ma mère me criait avec désespoir « Petit malheureux, ne vois-tu pas qu'à rire ainsi et à t'amuser, tu as déjà dans la démarche et dans la huppe et dans la traîne un air de vulgarité ?» Oui, voilà ce qu'elle me disait. Oh, la vie n'était pas drôle. Et même maintenant, vous ne me croirez peut-être pas, mais je suis encore un régime. Pour ne pas m'alourdir ni perdre l'éclat de mes couleurs, je suis obligée de me rationner au plus juste et de faire de la gymnastique, du sport. Et je ne parle pas des longues heures que je passe à ma toilette. Sur la prière du cochon, le paon se mit à énumérer par le détail tout ce qu'il faut faire pour être beau, et quand il eut parlé une demi-heure, il n'en avait pas seulement dit la moitié. Cependant, d'autres bêtes arrivaient à chaque instant et faisaient cercle autour de lui. Vinrent d'abord les bœufs, puis les moutons, ensuite les vaches, le chat, les poulets, l'âne, le cheval, le canard, un jeune veau, et jusqu'à une petite souris qui se glissa entre les sabots du cheval. Tout le monde se bousculait pour mieux voir et mieux entendre. « Ne poussez pas !» criait le veau, ou l'âne, ou le mouton, ou n'importe qui. « Ne poussez pas !»« Silence ! Mais ne me marchez donc pas sur les pieds ! Les plus grands derrière ! Allons, desserrez-vous ! Silence, on vous dit ! Et si je vous flanquais une correction ? Chut ! Chut ! Chut ! » faisait le paon. « Calmons-nous un peu. Je reprends. Le matin, au réveil, manger un pépin de pomme rainette et boire une gorgée d'eau claire. Vous m'avez bien compris, n'est-ce pas ? Allons, répétez. « Manger un pépin de pomme rainette et boire une gorgée d'eau claire !» disaient en chœur toutes les bêtes de la ferme. Delphine et Marinette n'osaient pas répéter avec elle, mais jamais à l'école elles n'avaient été aussi attentives qu'elles le furent aux leçons du paon. Le lendemain matin, les parents furent bien étonnés. Leur surprise commença à l'écurie, tandis qu'ils se préparaient à garnir les mangeoires et les râteliers comme ils faisaient tous les jours. Le cheval et les bœufs leur dire avec un peu d'impatience « Non, laissez, c'est pas la peine. Si vous voulez vous rendre utile, donnez-nous plutôt un pépin de pomme rainette et une gorgée d'eau claire. »« Qu'est-ce que vous dites ? Un pépin de pomme rainette, oui. Nous ne prendrons rien d'autre jusqu'à l'heure du midi et ce sera ainsi tous les jours. »« Vous pouvez compter, dirent les parents. Ma foi, oui, vous pouvez compter qu'on va vous donner un pépin de pomme rainette. C'est une nourriture qui doit tenir au ventre. Ah, une nourriture faite pour des bêtes de somme. Ah, bon, mais assez causé. Hein. Voilà le foin, voilà l'avoine et les betteraves, et vous allez nous faire le plaisir de manger. Et point de simagrée. Quittant l'écurie, les parents s'en allèrent dans la cour donner la pâtée aux poules et à toute la volaille. C'était une excellente pâtée, mais nul ne voulut seulement y goûter. « Ce qu'il nous faut, dit le coq aux parents, c'est un pépin de pomme rainette et une gorgée d'eau claire. Nous ne voulons rien de plus. »« Encore ce pépin ? Mais qu'est-ce qu'ils ont donc tous à vouloir se nourrir de pépins ? Allons, coq, explique. »« Dites-moi, les parents, demanda le coq. » Est-ce que vous n'aimeriez pas me voir me pavaner dans la cour avec une huppe sur la tête et dresser tout autour de moi un grand éventail de longues plumes de toutes les couleurs ? Ah non ! Dirent les parents de mauvaise humeur. Le coq tourna le dos et dit tout haut en s'adressant aux autres volailles. Vous voyez comme ils nous répondent quand on leur parle gentiment ? Les parents s'éloignèrent et tout du même pas s'enfurent auprès du cochon lui porter sa nourriture. Mais sitôt qu'il eut senti l'odeur des pommes de terre écrasées, il cria depuis la soue. « Remportez-moi vite cette pâtée, ce qu'il me faut, c'est un pépin de pomme rainette avec une gorgée d'eau claire. »« Toi aussi ?» dirent les parents. « Mais pourquoi ?»« Mais parce que je veux être beau et si fin, si brillant, que sur mon passage les gens s'arrêtent et se retournent en s'écriant « Ah, qu'il est joli et qu'on aimerait être ce merveilleux cochon qui passe !»« Mon Dieu, cochon !» dirent les parents. « Il est naturel que tu penses à être beau, mais pourquoi justement ne pas faire ce qu'il faut pour le rester ? Est-ce que tu ne comprends pas qu'être beau, c'est d'abord être gras ?»« À d'autres !» fit le cochon. « Mais répondez-moi, oui ou non, voulez-vous me donner un pépin de pomme rainette et une gorgée d'eau claire ?»« Pourquoi pas, nous allons y réfléchir et dans quelque temps. »« Ce n'est pas dans quelque temps, c'est tout de suite. Et c'est pas tout. Il faudra aussi m'emmener promener tous les matins. Il faudra me faire faire du sport et surveiller ma nourriture, mon sommeil, mes fréquentations, ma façon de marcher, enfin tout. »« Entendu, entendu. Quand tu auras pris encore une dizaine de kilos, nous commencerons. En attendant, mange ta pâtée. » Après avoir empli l'auge du cochon, les parents gagnèrent la cuisine et là, trouvèrent Delphine et Marinette prêtes à partir pour l'école. « Vous partez déjà ? Tiens, mais vous n'avez pas déjeuné ?» Les petites devinrent toutes rouges et Delphine répondit avec embarras. « Non, pas faim, trop mangé peut-être hier soir. L'air nous fera du bien, » ajouta Marinette. « firent les parents. « Voilà qui est singulier. Enfin, c'est bon. » Et quand les petites furent déjà très loin sur le chemin de l'école, ils avisèrent sur la table de la cuisine deux moitiés d'une pomme rainette à laquelle on avait ôté deux pépins. J'étais une dévoreuse de livres le soir, la nuit, quoi. C'est-à-dire que je commençais un livre et c'était rare que je le laisse avant de l'avoir terminé. Donc ça me menait jusqu'à 4-5 heures du matin, ce qui n'est pas forcément compatible avec des études bien menées. Où est-ce que vous les trouviez, ces livres ? Dans la maison de vos parents ? Et oui, j'avais la chance, j'ai toujours la chance d'avoir un père qui s'occupe de littérature, qui donc avait une bibliothèque plus que fournie. Non seulement il avait déjà lui-même un fonds de bibliothèque qui s'était constitué tout seul, mais il recevait tous les jours à peu près une vingtaine de livres nouveaux. C'est Maurice Nadeau, votre oui, papa ? Oui, c'est ça. Voilà, donc là je n'avais que l'embarras du choix. Ce qui me prenait souvent du temps, c'était le choix du livre le soir. Parce que, bon, regardez ça, ces murs entiers tapissés, c'est difficile hein, de choisir. Et ils ne vous conseillaient pas ? Oh, parfois, quand vraiment j'étais en perdition, mais... Enfin, ils me disaient, regarde, il y a ce qu'il faut. Hein. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous racontait des histoires quand vous étiez petite ? Je me souviens pas très bien, mais je crois que ma mère, oui, nous en racontait. Mais c'était, je pense, dans la petite enfance, hein, parce qu'après, dès que j'ai su lire, j'ai lu toute seule. Mais je me souviens, oui, elle nous racontait souvent... parce que les enfants adorent avoir la même histoire tout le temps, en fait. Et maman raconte, nous mange debout. Celle-là, je me souviens très bien. Enfin, de ce leitmotiv qui revenait tout le temps dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y avait une vilaine sorcière, je sais pas quoi, qui transformait tout en bouse de vache. Et ça, on adorait, quoi. Et elle disait toujours, mange debout, mange debout. Voilà. Qu'est-ce que vous cherchiez dans les livres, puisque vous les dévoriez ? Tout. Enfin, moi, ça me paraissait le... plus qu'une distraction, l'activité la plus intéressante. Puis, de toute façon, je voyais mes parents lire tout le temps. Donc, ça me semblait une chose vraiment importante. Vous échangiez des livres avec des copines ou vous les gardiez pour vous ? Non, je n'ai pas de souvenir d'échange de livres, non. J'ai jamais été très... Comment dire ? J'ai beaucoup de mal à communiquer le plaisir que j'ai à lire des choses. Au contraire, j'aime bien les garder pour moi, ce qui est un égoïsme parfait. Mais j'éprouve pas le besoin de parler de mes lectures avec les gens, et j'éprouve pas le besoin de leur faire lire ce que j'aime non plus. Alors, il n'y avait pas d'échange, non, je crois pas. Dans la bibliothèque de vos parents, il y avait des livres qui vous intriguaient particulièrement? Vous laissez lire tout ce que vous vouliez? Il y avait les livres défendus. Il y en avait? Eh oui. C'était lesquels? Oh, défendus, oui. Bon, c'était, enfin, je sais pas. Mon père était un amateur littéraire de Sade et de toute une bataille, enfin, toute une littérature érotique et révolutionnaire, disons. Qui était, bon, non pas sous clé, mais enfin, hors de portée, un peu. C'était l'enfer de la bibliothèque paternelle. L'enfer de la bibliothèque, oui, sur laquelle je me suis jetée, évidemment, à l'adolescence, avec une grande frénésie, mais pas petite, quoi. Vous étiez une fille unique ou vous aviez... Non, j'avais un frère, oui, qui ne lisait que des bandes dessinées, lui. Il détestait les bouquins. Vous ne les lui fauchiez pas? Ces bandes dessinées, si, j'essayais, mais il ne voulait pas. Il les gardait, jalousement. Vous ne les lisiez pas, si? Si, mais on avait un système éprouvant, c'est-à-dire qu'il achetait tous les... Il y avait Spirou, Tintin, enfin, tous les journaux comme ça pour les enfants. Alors, je n'avais droit de lire Spirou et Tintin que quand le suivant était sorti. Fait que pendant une semaine, je piétinais, et je respectais cette règle, je ne sais pas pourquoi. Au lieu d'aller lui faucher en douce, hein, j'attendais. Il est sorti, le nouveau Tintin? Non. Ah bon, bah, alors, attends. Et je le disais toujours à la livraison précédente, quoi, un peu défraîchi. Et vos parents ne fronçaient pas le nez de le voir lire exclusivement des BD? Si, si, bah oui, c'était moins à la mode que maintenant. Hein. Il détestait ça. Alors il est caché sous son lit dès qu'il entendait du bruit. Floum ! Ça filait sous le lit, il y en avait un amoncellement terrible sous le lit. Passé 15 jours, le cochon resta seul de tous les animaux à suivre le régime. Dans toute une journée, il mangeait à peine de quoi nourrir un poulet en bas âge, ce qui ne l'empêchait pas de faire de longues promenades à pied, de la gymnastique et du sport en toute manière. En une semaine, il avait perdu 30 livres. Les autres bêtes le pressaient de se remettre à une nourriture plus abondante, mais c'était comme s'il n'entendait pas, ne faisant que leur demander « Comment me trouvez-vous ? » À quoi répondaient les bêtes toutes navrées « Bien maigre, mon pauvre cochon, ta peau fait des plis, des rides et des poches, que c'est une pitié !» « Allons, tant mieux, disait le cochon, mais je n'ai pas fini de vous étonner. » Il clignait de l'œil et demandait en baissant la voix. « À propos, faites-moi donc le plaisir de regarder sur le dessus de ma tête. Quelque chose qui pousse, comme une huppe. » « Mais non, il n'y a rien du tout. Tiens, c'est drôle, faisait le cochon. Et ma traîne, la voyez-vous ? » Sans doute veux-tu parler de ta queue. Alors il s'agit bien de traîne, plus que jamais, elle est en forme de tire-bouchon. Tiens, c'est drôle. Peut-être que je ne fais pas assez de sport, ou bien que je mange encore trop. Je vais me surveiller, soyez tranquille. » Le voyant encore plus maigre de jour en jour, Delphine et Marinette n'avaient presque plus envie d'être belles, du moins entendaient-elles ne pas trop jeûner. Le régime du paon qu'elles avaient d'abord voulu suivre en cachette des parents ne les tentait plus guère. Enfin, les conseils de loi firent beaucoup pour les en détourner. Lorsqu'elle entendait les petites parler de leur taille et des grammes qu'elles espéraient perdre, elle leur répétait « Voyez dans quel état s'est mis notre malheureux cochon pour n'avoir pas mangé à son appétit. Voulez-vous comme lui avoir de la peau qui pende et de pauvres crayons flageolants en place de vos bonnes jambes? Non, croyez-moi, tout ça n'est pas raisonnable. Et tenez, moi qui suis assez bien faite de ma personne et très joliment emplumée, je peux bien vous le dire, la beauté ne remplit pas la vie. Et il vaut mieux pour vous de savoir ourler des torchons que d'avoir sur le dos des grandes plumes de toutes les couleurs. » « Bien sûr, répondaient les petites, c'est vous qui avez raison. » Un jour, le cochon, après un exercice de gymnastique, se reposait auprès du puits, et comme il demandait au chat qui ronronnait sur la margelle s'il voyait pousser sa huppe, celui-ci eut pitié, et feignant d'y regarder de tout près, répondit « En effet, il me semble apercevoir quelque chose. Ce n'est bien sûr qu'un début, mais on dirait une promesse de huppe. »« Enfin !» s'écria le cochon. « La voilà qui pousse !» « On l'aperçoit déjà, je suis heureux. Et ma traîne, chat, la vois-tu aussi ?»« Ta traîne, mon Dieu, je dois dire. »« Comment, comment ?» Et le cochon parut si bouleversé que le chat se reprit aussitôt. « À la vérité, ce n'est pas encore une traîne, mais c'est déjà un très joli balai qui n'a pas fini de pousser. »« Bien sûr, il faut qu'elle grandisse encore, » convint le cochon. « Oui, oui, » approuva le chat. « Mais elle ne grandira que si tu manges beaucoup. Et pour la huppe, c'est la même chose. » Le régime du paon, c'était excellent pour tout mettre en train, mais maintenant que la huppe et la traîne sont sorties, il s'agit de les alimenter. C'est pourtant vrai, fit le cochon. Je n'y avais pas pensé. Et aussitôt, il courut à son auge, où il mangea tant qu'il y eut, et après s'en alla auprès des parents pour avoir encore. Quand il fut enfin rassasié, il se mit à gambader par la cour en criant à tue-tête « J'ai une huppe! J'ai une traîne! J'ai une huppe! J'ai une traîne !» Les bêtes de la ferme essayaient de le détromper, mais il les accusait d'être jalouses et d'avoir les yeux dans leurs poches. Le lendemain, il eut une longue discussion avec le coq, et celui-ci, lassé par son entêtement, abandonna la partie en soupirant « Il est fou! Il est complètement fou !» Les témoins, qui étaient nombreux, éclatèrent d'un grand rire, dont le cochon se trouva tout décontenancé. Durant plus d'une heure, une couvée de poussins s'attacha à ses pas en piaillant « Il est fou, fou, fou, il est fou, il est fou !» Et les autres volailles ne se tenaient pas de ricaner et d'avoir des mots désobligeants quand ils passaient devant elles. Dès lors, le cochon s'abstint de parler à personne de sa huppe ou de sa traîne. Quand il traversait la cour, il allait toujours la tête en arrière, tellement rengorgé qu'on se demandait s'il n'avait pas avalé un os qui lui fût resté en travers du gosier et si quelqu'un venait à passer derrière lui, même à bonne distance. Il faisait vivement un saut en avant, comme s'il eût craint qu'on lui marchât sur la queue. Loie le montrait alors aux deux petites, leur disant « Vous voyez ce qui arrive quand on est trop occupé de sa beauté, on devient fou, comme le cochon. » Les petites, en l'entendant parler ainsi, plaignaient leur pauvre cousine Flora qui devait avoir perdu la tête depuis longtemps. Pourtant, Marinette, qui était un peu plus blonde que sa sœur, ne pouvait pas s'empêcher d'admirer le cochon. Un matin de soleil, le cochon partit pour une longue promenade dans la campagne. Au retour, le temps se couvrit et eut lieu de grands éclairs au-dessus de lui, de quoi il ne fut pas surpris, pensant apercevoir sa huppe balancée sur sa tête par le vent. Il trouva toutefois qu'elle avait beaucoup grandi et qu'elle était maintenant aussi importante qu'on pouvait souhaiter. Cependant, la pluie se mit à tomber très serrée et il se réfugia un moment sous un arbre, en prenant garde à baisser la tête pour ne pas abîmer sa huppe. Le vent s'étant apaisé et la pluie tombant moins serrée, le cochon se remit en marche. Lorsque la ferme fut en vue, à peine tombait-il encore quelques gouttes et le soleil passait déjà entre les nuages. Delphine et Marinette sortaient de la cuisine en même temps que leurs parents et la volaille quittait la remise où elle avait trouvé abri. Au moment où le cochon allait entrer dans la cour, les petites pointèrent le doigt dans sa direction en criant « Un arc-en-ciel ! Oh, qu'il est beau !» Le cochon tourna la tête et à son tour poussa un cri. Derrière lui, il apercevait sa traîne déployée en un immense éventail. « Regardez !» dit-il, « je fais la roue !» Delphine et Marinette échangèrent un regard attristé, tandis que les bêtes de la basse-cour parlaient entre elles à voix basse, en hochant la tête. « Allons, assez de comédie !» firent les parents. « Rentre dans ta soue, il est l'heure !»« Rentrez !» dit le cochon. « Vous voyez bien que je ne peux pas. Ma roue est trop large pour que je puisse pénétrer seulement dans la cour. Elle ne passera jamais entre ces deux arbres !» Les parents eurent un mouvement d'impatience. Ils parlaient déjà de prendre une trique, mais les petites s'approchèrent du cochon et lui dirent avec amitié « Tu n'as qu'à refermer tes plumes, ta traîne passera facilement. »« Tiens, c'est vrai, » fit le cochon, « je n'y aurais pas pensé, vous comprenez, le manque d'habitude. » Il fit un grand effort qui lui creusa l'échine. Derrière lui, l'arc-en-ciel fondit tout d'un coup et se déposa sur sa peau en couleur si tendre et si vive aussi que les plumes du paon eussent été comme une grisaille. Première lecture, lecture d'enfance. Le paon, extrait des contes rouges du chat perché de Marcel Aimé, par Claire Nadeau. Pierre Mine, Olivier Dupré, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau.